Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1, une radio qu'on écoute aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver en compagnie de l'artiste sonore Félix Blum que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de la dernière édition du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, alors qu'il présentait pour l'occasion deux magnifiques installations intégrées au parcours d'œuvres sonores qui environnent depuis maintenant quoi une quinzaine d'années le festival en tant que tel. Félix Blum est un artiste voyageur qui a réalisé de nombreux projets en Amérique latine, notamment des projets qui, pour la plupart, ont sollicité la participation des communautés locales et utilisé des espaces publics comme contexte d'expérimentation et de présentation. Alors, poussant l'écoute au-delà des manières conventionnelles, Félix Blum invite les publics à interagir par le biais du son. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, qu'il réalisait à Québec au printemps 2025, avec la collaboration du Centre Avatar ici à Québec, son projet intitulé Andante, version Québec, une installation sonore construite autour de la déambulation de marcheurs, marcheuses dans différents secteurs de la ville de Québec. Félix Blum a diffusé son travail de par le monde et reçu de nombreux prix et marques de reconnaissance pour ses projets qui sont, disons-le, engagés, très inspiré. Je l'ai rencontré à Victoriaville en mai dernier alors qu'il y présentait deux magnifiques installations. Cela dit, parole à Félix Blum. Félix Blum, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer cet après-midi. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Félix, c'est traditionnel chez moi. Première question en entrevue. Quel a été pour toi le moment d'éveil à la chose sonore? Comment est apparu cet intérêt? Et parfois, je demande ça, à quel moment tu as choisi de faire ce métier d'artiste sonore? Je prends cette expression très, au sens très large. C'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un moment comme ça d'éveil. Je sais que certaines personnes parlent d'un moment très précis. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une construction qui se fait peut-être dès la naissance, ou en tout cas au fur et à mesure de la vie, des rencontres, des écoutes, de l'éducation, la culture, tout ce qui a pu un peu me nourrir sans que je m'en rende vraiment compte. dans les premières années, et puis par la suite. Donc, il n'y a pas un moment donné où je dirais tout d'un coup, voilà, je suis à l'écoute. Je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un milieu rural, dans le sud de la France, dans un endroit calme où j'étais du coup à l'écoute des sons naturels plutôt qui m'entouraient, mais aussi avec des parents qui étaient ouverts sur le monde, qui écoutaient de la musique d'ailleurs, qui écoutaient la radio. Donc, je pense qu'il y avait tout de suite cette ouverture et musicale et sonore vers un autre type d'écoute ou vers une écoute plus sensible peut-être. Le fait de choisir d'être artiste sonore, je ne suis pas tout à fait sûr de l'avoir choisi. Enfin, je pense pas. J'ai plutôt l'impression que ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Peut-être une fois que je suis devenu, et je ne sais pas si je le suis devenu, mais peut-être c'est après a posteriori que je me suis dit peut-être on pourrait mettre cette catégorie, cette étiquette d'artiste sonore. En tout cas, moi, je commence à m'intéresser au son parce que j'étudiais la musique au conservatoire de musique de la petite ville du coin. Et quand il a fallu se diriger vers une des études, j'étais intéressé par le monde de la musique, mais je voulais pas être nécessairement musicien. Je trouvais ça assez compétitif, en tout cas dans ce que je me faisais comme image suite à mes études au conservatoire. Donc j'avais été intéressé par le travail de sonorisateur dans les concerts, donc sur des concerts live. Et c'est dans cette optique-là que j'ai fait d'abord un BTS audiovisuel à Toulouse. Et puis ce BTS-là en question m'a ouvert le monde enfin m'a ouvert le monde du cinéma, le monde de l'audiovisuel, le monde de la radio. Enfin, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres facettes sonores au-delà de la musique. Et ça m'a emmené vers une école de cinéma en Belgique. Et c'est là que j'ai découvert de nouveau beaucoup d'autres facettes du son et des manières d'écouter, d'enregistrer. Et je me suis assez rapidement dirigé vers la prise de son documentaire. C'était une manière pour moi aussi de voyager. Donc je n'avais pas vraiment voyagé avant. Ce n'était pas vraiment une nécessité ni une envie. Dans le village où j'ai grandi, il n'y avait pas vraiment, à l'époque en tout cas, on voyageait pas vraiment, et puis c'était pas c'est pas quelque chose qui nous manquait. Et donc, ce fait de travailler comme preneur de son, j'ai commencé à partager des sons sur des plateformes, sur Internet, notamment sur la plateforme Freesound. Ce partage-là m'a amené à d'autres, à découvrir toute une communauté de gens qui aiment écouter des sons, qui aiment partager des sons. Et j'ai continué mon travail de preneur de son, d'ingénieur du son pendant plusieurs années. Et en 2012, j'ai commencé à me dire, bon, ces sons que je partage, peut-être que je pourrais aussi les assembler. Peut-être que partager un son, ce n'est pas suffisant pour partager une expérience sonore. Et peut-être qu'il faut commencer à en mettre deux ensemble, en mixer deux, pour pouvoir être plus proche d'une certaine réalité sonore ou expérience sonore que j'ai pu avoir sur un lieu. C'est comme ça que j'ai commencé mes premières créations sonores. Et donc c'est peut-être en 2012 que j'ai mis ce premier pas vers ce qu'on peut appeler l'art sonore. C'est intéressant parce qu'on voit ton parcours qui passe d'une action, je dirais, relativement passive, à savoir la captation sonore, et puis ensuite une approche beaucoup plus active où là tu es en action et ça va se déployer. On va aborder ça par la suite dans tous ces projets d'installation sonore et d'interaction aussi avec le public. Et si tu veux, on va écouter un premier extrait de ton travail, un projet qui s'intitule Suspiros. Ou Suspiro, c'est une action qui t'a permis d'entrer en contact avec des enfants mexicains, je crois, autour de cette petite flûte qui s'appelle l'ocarinas, n'est-ce pas? Et donc, on va écouter et puis on poursuit ensemble notre conversation. Donc, Félix, on vient d'entendre un extrait de ce projet là, d'intervention avec des enfants mexicains d'un village. Là, on fait résonner leur ocarinas en argile, bon, depuis un bateau, tout ça. Et j'aimerais que tu nous parles de ta trajectoire artistique. Bon, comment tu la nommerais? Comment tu te définirais comme artiste? Bon, j'ai dit sonore, mais comme artiste au sens générique du terme, là, comment se déploie ta vision du monde artistique? Alors, c'est toujours compliqué hein, de pouvoir tirer des liens ou des fils rouges dans une trajectoire qui n'est pas forcément préméditée. Hein. C'est pour ça que Alors quand je disais, je suis pas sûr d'avoir choisi, j'ai plutôt l'impression que voilà, c'est le fait de partager qui m'a des sons qui m'a amené à partager des expériences sonores. Puis ensuite, on m'a invité à présenter ces expériences sonores dans des musées. C'est devenu des installations. Et puis c'est devenu assez rapidement des projets collaboratifs, comme celui qu'on a pu entendre là sur la côte du Pacifique au Mexique. Donc je me suis posé cette question justement de quel était ce fil rouge. J'ai vraiment l'impression que c'est l'écoute. Hein. Autant j'ai été formé en fait pour la prise de son, mon travail, ma formation c'est vraiment d'ingénieur du son pour le cinéma ou pour d'autres médiums, mais donc comme preneur de son. Et petit à petit je me suis dit que ça s'était décalé vers l'écoute finalement, que c'est ça qui fait un peu ce fil rouge entre les différents projets que j'ai pu mener. Alors souvent, évidemment, il y a quand même des sujets qui m'intéressent, qui se retrouvent. Il y a vraiment cette idée de dialogue entre les habitants humains ou non humains d'un territoire et ce propre territoire, et vraiment de penser le monde qui nous entoure comme un tout, pas de le penser fragmenté ou pas de penser que l'homme serait face à une nature ou hors de cette nature, mais vraiment ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce dialogue qui se fait de manière plus ou moins volontaire entre les habitants d'un lieu et ce lieu en question. Donc voilà, je pense que ma trajectoire tourne autour de ça, avec évidemment plein de formes, parfois beaucoup plus abstraites, parfois beaucoup moins, et qui passe souvent avec le médium du sonore, mais pas que, hein, il y a quand même toujours cette idée d'écoute, mais souvent accompagnée d'images, souvent accompagnée d'une partie plus installative ou sculpturale, voilà, se dire qu'on peut vraiment penser cette écoute d'une manière très large, qui va bien au-delà de l'enregistrement sonore. Tout à fait. Et pour en faire un peu la démonstration, on va écouter cette fois un projet qui s'intitule, très beau titre d'ailleurs, un projet qui s'intitule Histoire de pierre. C'est une déambulation accompagnée d'une installation sonore à la croisée de la pièce sonore poétique du cabinet de minéralogie et de l'archéologie imaginaire. Bon, je referme les guillemets parce que je suis en train de lire ton descriptif. Un travail très intéressant. Alors, on va en écouter un extrait, Histoire de pierre. Cette pierre-là, avec l'inondation en 86, elle est sortie du tunnel. Alors en 86, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé 230 mm. En 3 heures de temps. Et là, c'est le torrent qui a déferlé et qui est descendu dans le village. Attention, hein, ça a cavalé. Hein. Bon, l'eau, il faut s'en méfier de temps en temps. Il peut ne pas couler pendant des semaines, des mois, voire des années. Et puis un jour, être en furie. C'est pour ça que dans le village, vous avez très peu de maisons en rez-de-chaussée. Regardez, il y en a très très peu. Il pleut très rarement, par contre, quand il pleut fort. Le niveau d'eau dans le village peut monter très rapidement. On ne peut pas lutter contre des éléments pluvieux comme ça. C'est dangereux parce qu'il y a du courant, mais surtout, il descendait des cailloux, des branches. Si vous essayez de traverser, une branche vous prenez, et si vous tombiez, vous ne releviez pas. La puissance de l'eau fait que ce n'est pas possible de rester debout. C'est ce qui s'est passé avec cette petite. Elle a eu peur. Elle est sortie de la maison. Qui a glissé sur des cailloux, qui est tombée, et n'a pas pu se relever. Et l'eau l'a emportée. Je suis parti à toute pompe, dans le torrent, pour la choper. Je la chope. J'ai été fauché aussi. Et nous voilà chambourlés tous les deux, dans notre torrent de boue. C'était la folie. Pour moi, j'étais mort. Je l'ai plus tenu. Je l'ai lâché. Où, quand, comment, je ne sais pas. Ah oui, on l'a retrouvé une semaine après, au milieu de l'étang. Enfin, c'est horrible, quoi. Horrible. On continue la balade en remontant la rue vers le platane. C'était très, très rocailleux, très minéral. Beaucoup de roches, de cailloux. Ah ben oui, puis tout, c'est bien minéral. La pierre, elle est pour beaucoup au caractère du coin, quoi. Je trouve ça magnifique. Hein. Et c'est vrai que c'est bien l'identité du village de Fitou. L'élément prépondérant, prédominant, c'est la roche. Le territoire très marqué par la pierre. La pierre est omniprésente en Garrigue. Hein. C'est pas des formes lisses, quoi. C'est des formes rugueuses, découpées, acérées. C'est un paysage enfin, qui est dur. Qui est beau, mais qui, enfin, moi, je le trouve dur. Paysage lithique, si l'année. Ouais. Terrain très âpre. Je sais pas le mot qui vient, c'est rugueux. Puis une certaine rudesse, peut-être. La pierre, elle est râpeuse. Mais c'est beau. Ces gros massifs de pierre blanche, pour certains peuvent paraître durs, pour moi c'est apaisant. En arrivant à la petite place, on continue par la rue qui est à droite du platane. Cet arbre a été planté en 1900, il a 122 ans, et c'était le platane du village. Donc on va continuer sur la droite, dans la grande rue. Alors la grande rue est toute petite. Comme toutes les grandes rues, souvent c'est les plus petites maintenant, c'est les plus étroites. On l'appelle la grande rue depuis qu'ils ont mis des noms de rue dans le village, parce que sinon il n'y avait pas de nom de rue, quoi. J'ai un galet décoré, donc c'est des gens qui décorent des galets, des peints, dessinent, font ce qu'ils veulent sur des galets. Et ils les posent un peu partout en France. Là, j'en ai trouvé un au bout d'une toute petite rue. C'est tout simple, mais c'est marrant et puis je trouve ça beau. Du coup, des gens peuvent les récupérer. Alors s'ils le gardent chez eux, ils ont l'obligation d'en redessiner un autre pour en remettre un. Soit ils le gardent, mais ils le recachent après. Derrière, souvent, les gens, ils mettent leurs coordonnées, tu vois. Ils disent, je suis tel groupe, faites-moi voyager. Faites-moi voyager, recachez-moi, donnez des nouvelles via Facebook, merci. Et il y a les initiales de la dame, CMA. Bon, souvent, j'ai pas de nouvelles, mais quand t'as des nouvelles, en fait, tu sais que t'as illuminé la journée d'une personne. Elle a trouvé un petit trésor, c'est bête à dire, mais on ramasse tous des cailloux, enfin, je crois, hein. Tu poses les yeux sur un truc et t'as l'impression de découvrir un trésor, quoi. Je vais essayer d'en faire un par chaque endroit un peu symbolique et les cacher le 15 et le 16 octobre. Je vais les mettre relativement tôt et j'en mettrai plein dans le village. Toujours dans la grande rue, face au parking, sur la droite, vous découvrirez une petite placette avec deux oliviers. On s'y arrêtera quelques minutes. Félix, on est à Victoriaville, toi et moi. Tu es un invité du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Tu fais partie du parcours célèbre, Parcours sonore, qui est sous la direction d'Éric Dorion. Et tu y présentes deux projets installatifs, dont un qui s'intitule « Cello Suite », un projet fascinant. Qui s'inspire des moulins à vent de la modernité, je vais dire ça comme ça. Et j'aimerais que tu nous parles de ce projet en faisant une brève description et de savoir un peu comment est née cette merveilleuse idée du cello suite. Le début, disons, la naissance de ce projet, c'est justement en lien avec mon travail de preneur de son pour le cinéma, parce que je me suis à plusieurs reprises pour des documentaires dans cette région d'Arizona, donc dans le sud des États-Unis, à la frontière avec le Mexique. Et dans le désert, par définition, il n'y a pas tant de sons que ça. Et j'ai été plusieurs fois frappé par ces anciens moulins à vent qui sont encore présents, qui tournent encore, ou qui, en tout cas, qui grincent, qui couinent. Ce sont des moulins à vent qui servaient de pompe à eau, en fait, dans le passé, qui ont servi pour l'élevage de vaches, de bétail, dans des lieux désertiques comme l'Arizona. Chose qui perdure encore aujourd'hui à une autre échelle. Mais la plupart de ces moulins à vent ont été soit remplacés par des pompes solaires, soit par des citernes. C'est devenu compliqué de les réparer, mais en même temps peut-être problématique de les sortir du désert. Donc ils restent là, un peu comme des fantômes, un peu comme des habitants de ce désert, justement. Et donc le son m'a frappé en 2012-2010, j'ai fait plusieurs voyages, et c'est resté comme ça un peu derrière l'oreille, ou en tout cas dans l'oreille, pour que j'y retourne 10 ans plus tard, en me disant, voilà, j'aimerais bien pouvoir leur donner une nouvelle raison de tourner à ces moulins, au-delà du grognement, au-delà du grincement des hélices. Et donc c'est un projet qui a pris plusieurs voyages et plusieurs années avant de se concrétiser. Mais la raison de le tourner que je leur ai trouvée, c'est de leur proposer de jouer du violoncelle. Donc, c'est-à-dire d'utiliser le mât central qui servait à extraire l'eau du sol pour en faire une pompe, mettre un archer dessus et placer le violoncelle au milieu du moulin à vent de manière à ce que ça produise un son. Donc une fois que j'ai trouvé ou défini l'idée et que j'ai commencé à faire ces concerts, il a fallu trouver ces moulins à vent, donc ils sont parsemés dans le désert. Donc j'en ai trouvé 16, avec l'aide des habitants sur place. C'est aussi un moyen de pouvoir rencontrer les gens. C'est autour du petit village d'Arivaca, dans le sud de l'Arizona. Et à chaque fois, je proposais à ces moulins de faire un concert, la durée qu'ils le désiraient, en commençant par le moment silencieux, puis un moment terminant par un moment silencieux, puis entre les deux, selon les bourrasques de vent, selon le vent qu'il y avait, selon l'orientation du vent, ça créait un concert ou un autre, et les moulins à vent improvisaient. Donc il y avait l'idée de pouvoir leur donner une voix, enfin leur donner une maison de raison de tourner, mais aussi de leur donner une voix, et aussi de nous inviter à écouter ces moulins à vent, mais d'écouter aussi ce territoire du désert, avec, qui est vraiment le début des États-Unis pour tous ceux qui viennent du Mexique ou d'Amérique centrale, qui traversent ce désert, qui hélas parfois y perdent la vie, mais aussi voilà un lieu qu'on imagine désert, mais qui ne l'est pas tant qu'on l'imagine. C'est un projet vraiment très, très audacieux, très imaginatif. Et puis, on va en écouter un extrait. Et pour le bénéfice des auditeurs, des auditrices, rappeler que l'installation que tu proposes ici à Victoriaville est formée de grands écrans sur lesquels on voit ces moulins à vent tourner, jouer du violoncelle. Alors, on écoute un extrait de cette belle création, je traduis, là, qui s'appelle Suite violoncelle. On écoute ça. Voilà ce qui complète la première demi de l'entretien que m'accordait l'artiste sonore Félix Blum autour de ses projets installatifs, projets de captation, de phonographie. Alors, on poursuit cet entretien, cette rencontre, après un bref battement promo. Alors, à tout de suite. Thank you. CKRL 89.1. Vous écoutez ? La Croche-Oreille. Alors, on est de retour, c'est la Croche-Oreille, jusqu'à 22h sur CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin, microphone. J'accueille ce soir Félix Blum, un artiste sonore, grand adepte de la captation en direct sur le terrain et catalyseur, je dirais, d'expériences collectives par le biais du son. Très belle démarche. Félix a réalisé des installations, des vidéos et des actions qu'on peut qualifier de performatives. Son processus créatif est souvent collaboratif, cherchant à sensibiliser le public à l'imperceptible en intégrant, dit-il, un large éventail de sons provenant tout autant des environnements naturels qu'urbains. Il se dit passionné par les mythes et récits ancestraux ainsi que leurs interprétations toutes contemporaines. On peut constater l'envergure de ses projets sur son site internet à l'adresse felixblum.com. Vous allez voir, c'est très riche, très intéressant. Je rappelle que Félix Blum a exposé son travail dans de nombreux festivals internationaux et que ses œuvres font partie de nombreuses collections publiques, en France notamment. Alors voilà, je l'ai rencontré à Victoriaville en mai dernier et on poursuit l'écoute de l'entretien qu'il m'accordait. C'était dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Alors, on poursuit l'entretien. Bon, Félix, toujours sur Victoriaville, tu présentes une autre installation qui s'intitule Andante. Cette installation-là est le fruit tout de même d'un travail très concret que tu as réalisé ces dernières semaines à Québec avec le Centre d'artistes Avatar à Québec. C'est un projet dont la dimension sociale est très forte au sens où on y retrouve là. Une évocation de la marche, de la déambulation, mais on peut aller un peu plus loin. Et j'aimerais que tu me parles de ce projet intitulé Andante, qui est un peu comme une première pour ce qui est de Victoriaville, au sens où tu as fait un travail terrain à Québec autour de ça. Alors, j'aimerais t'entendre sur ce projet. C'est ça. Donc, c'est vraiment le tout dernier projet qui vient de prendre forme. C'est un projet qui se propose de rendre hommage aux marcheurs et marcheuses de la ville, de nous inviter à les écouter, parce qu'ils ont tendance parfois à être invisibilisés ou alors être derrière le bruit de la circulation. Et donc, j'ai proposé à 20 marcheurs et marcheuses de la ville de Québec de les accompagner durant une marche qu'ils pourraient faire quotidiennement ou qu'ils pourraient faire sans moi. Donc, ça pouvait être une marche pour prendre une marche, une marche pour aller prendre le bus, une marche pour aller travailler. Et donc pendant ce temps de la marche, je les ai accompagnés en notant leur rythme de marche. Ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir la cadence, c'est-à-dire le nombre de pas par minute que font ces marcheurs, afin d'avoir leur sorte de pulsation, leur sorte de tempo. Et donc dans l'installation qui est présentée ici pour la première fois, on a du coup 20 souliers solitaires qui ont été prêtés par les marcheurs et marcheuses de la ville de Québec. Mais qui chacun d'entre eux bouge et marque le pas à la vitesse ou à la cadence de leur propriétaire. Donc devant l'installation, on peut écouter ce concert de souliers, écouter tous les marcheurs ensemble, mais on peut aussi écouter ou se concentrer sur l'un ou l'autre, sur l'une ou l'autre des chaussures, et penser à ce qu'il y a derrière cette chaussure, à la personne qui est derrière, avec l'évocation du rythme, mais aussi avec le type de chaussure, l'usure de la chaussure, et voir qu'est-ce que nous racontent ces chaussures pleines de souvenirs, de mémoires, et nous inviter à écouter ces marcheurs et ces marcheuses de la ville. Une belle dimension sociale à ce travail, quasiment sociologique, je trouvais, comme vision à la fois du monde sonore. C'est extrêmement intéressant. Et tu as réalisé ce projet dans d'autres régions du monde, je veux dire ça comme ça? Alors, c'est un projet qui a émergé ou qui a commencé à Sao Paulo, lorsque j'étais en résidence là-bas il y a 3 ans. Mais là, c'était vraiment les prémices de ce projet où je ne suivais pas des marcheurs, je faisais par rapport à des lieux différents de la ville. Donc je me mettais sur des lieux et j'étudiais le rythme de marche des passants. Ici, c'est vraiment toute une autre dimension, puisque cette rencontre avec les marcheurs, en marchant avec les gens, j'ai aussi parlé de marche avec eux, j'ai eu des rencontres. C'est une très bonne manière pour moi aussi pour découvrir la ville de Québec via des marcheurs. Et donc, il y a vraiment, c'est allé bien au-delà de des premières prémices que j'ai pu faire à Sao Paulo. Donc, c'est vraiment une première. J'espère pouvoir le présenter dans d'autres villes. Il y a déjà, pour les mois à venir, certains lieux qui ont manifesté leur intérêt. Et à chaque fois, c'est des très bonnes manières, en effet, d'étudier les marcheurs, d'étudier leur marche et de savoir qu'est-ce que nous racontent ces chaussures et ces rythmes de marche sur la manière dont on habite une ville. Tout à fait. Alors, on écoute un extrait de ce projet Andante version Québec. Félix, ces nombreux projets que tu mènes, il y a des captations, il y a ce qu'on appelle des phonographies, du field recording, des installations sonores qui suscitent de l'interaction, tu l'as souligné, de l'écoute. Et quelles sont pour toi les principales sources d'inspiration, à la fois dans le monde de l'art ou encore dans la vie en général? Quelle lecture tu fais, quelle lecture du monde t'amène à imaginer un projet? Alors moi, c'est vraiment ça vient de cette idée d'écouter les lieux et d'écouter peut-être ce qu'on a tendance à ne pas écouter justement. Donc sur certains projets, ça va être vraiment écouter l'infiniment petit, l'infiniment silencieux, d'écouter, voilà, s'arrêter parfois. Écouter, ça veut dire parfois prendre le temps d'écouter aussi. Donc je crois que c'est vraiment ça l'inspiration, en tout cas du quotidien. Donc j'ai fait certains projets où je propose d'écouter par exemple le son d'une abeille singulière. J'ai fait d'autres projets où je propose d'écouter les vagues qui vont souffler dans des bambous ou dans des flûtes. Donc à chaque fois, il y a cette idée de l'écoute autour de nous. Après moi, du coup, j'ai découvert, en effet, je suis souvent relié à ce monde du field recording, en tout cas c'est la catégorie qu'on définit aujourd'hui, et donc moi j'ai découvert ce monde-là grâce à Internet, ou au moment où j'ai commencé à partager mes sons, et assez tard j'ai découvert qu'il y avait tout un monde de paysages sonores, de field recording, toute une tradition. Et donc là, il y a évidemment des gens qui m'ont semblé intéressants, comme Yannick Dobby, qui est un Français installé à Taïwan, dont je suivais un peu le travail, Marc Namblard, qui est un Français aussi, mais d'autres personnes aussi, comme Francisco Lopez, ou Chris Watson, ou Yana Winderen, ou même ici, le World Soundscape Project à Vancouver, au Canada. Et tous ces travaux qui ont pu être faits dans ce monde-là du field recording. Et en parallèle, il y a des artistes contemporains avec qui j'ai pu travailler, notamment au Mexique. Je pense notamment à Francis Alice, pour qui d'ailleurs la marche est importante dans son travail, qui m'ont permis d'ouvrir un peu aussi la perception et toutes les possibilités qu'on pouvait avoir dans ce grand champ plus large de l'art contemporain. Tu as évoqué le nom de Francisco Lopez et je m'en voudrais de ne pas faire entendre à nos auditeurs, auditrices, un projet qui s'intitule Amazonia, que tu as réalisé en 2020 avec les habitants de Toari, petit village au cœur de la forêt amazonienne. Alors, on va écouter un extrait de ce projet. Eita! Pega, pega, pega, pega! Pega, pega, pega, pega! Show, show, show, show, show! Tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu! Show, show, show, show, show! Show, show, show, show, show, show! Professora, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, professora, como vai? Céu risonho límpido, a imagem. Si je suis la propria natura, e se esforzi parte tu coloso, se teu futuro espera essa grandeza, terra adorada, entre outras mil estudas, o pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Chegamos aqui! Félix, après Victoriaville, qu'est-ce qui se passe pour toi en termes de projets à venir, qui sont projets qui sont soit sur ta table à dessin ou encore qui sont à venir très rapidement? Oui, alors c'est vrai qu'il y a toujours des projets qui se croisent, les projets de la table à dessin, mais aussi des projets concrets qui se font. Et là, on est plutôt dans un moment où, après beaucoup de tables à dessin ou d'idées, beaucoup de choses se concrétisent. Donc c'est assez, on est vraiment dans la concrétisation, notamment d'une exposition individuelle que je vais avoir à Albi, dans le sud de la France, sur laquelle je vais faire un nouveau projet avec des jeunes et des enfants sourds et malentendants. Donc l'idée, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on écoute quand on est censé ne pas entendre ou quand on entend autrement, parce qu'évidemment, l'écoute va bien au-delà de ce qu'on capte avec les oreilles. Et donc, ce nouveau projet qui s'appelle « Du bout des doigts », alors c'est vraiment une information en avant-première, qui sera visible et surtout écoutable, mais cette fois pas forcément avec les oreilles, à partir du 27 juin à Albi et jusqu'au 2 novembre. Par la suite, il y a un projet que je vais faire à Bordeaux au mois de septembre qui s'appelle Pluie de septembre, qui va du coup nous inviter à écouter un arbre cette fois dans un parc, un arbre et ses mémoires, ses souvenirs et des gouttes d'eau qui vont en tomber de ses branches. C'est un projet que j'avais initié au Mexique et que je vais du coup représenter dans une nouvelle version là, en septembre. Et puis voilà, après, tout évidemment, en parallèle, une série d'expositions avec notamment Essaim, qui est en ce moment présenté à Paris au Maïf Social Club jusqu'en juillet, qui va se présenter ensuite à Séville, une exposition en Slovaquie, une autre en Allemagne durant le festival Donaueschinger, qui est un festival de musique contemporaine en octobre. et probablement d'autres petits événements que j'oublie et d'autres à venir par la suite. Alors Félix, on complète la rencontre, belle rencontre. On va terminer ça avec un travail que tu as réalisé en 2016. Là, on revient un peu en arrière. Ça s'intitule « Disco Pirata ». C'est l'idée d'une œuvre-action où tu partages des sons emblématiques d'une ville au Mexique. Te souviens-tu de la ville? Oui, bien sûr, c'est Mexico City, donc, où j'ai vécu plusieurs années. Et c'est vrai qu'après plusieurs années d'enregistrement dans les rues, dans l'espace public, je me suis demandé de comment je pouvais fermer la boucle ou rendre ces sons que j'avais pris ou empruntés à cette même espace public. Et donc là-bas, à Mexico, il y a cette tradition de vendre des CD. Souvent, c'est plutôt du reggaeton, de la salsa ou des hits de l'année dans le métro. Mais moi, je leur ai proposé de vendre un CD, du coup, avec les sons de la ville et de pouvoir rendre à ses utilisateurs ce disque et ses sons urbains. C'est merveilleux. Félix Blum, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre. Et puis, on termine ça sur Disco Pirata. Oui, merci beaucoup, merci pour l'écoute et au plaisir. À la prochaine. Alors voilà, il s'achève la croche-oreille pour ce soir en compagnie de l'artiste, ingénieur sonore Félix Blum. Alors grand merci à Félix de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur des plateformes numériques et sur son site félixblum.com. Allez jeter un coup d'œil. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-oreille ainsi que les émissions pour écoute et réécoute à votre guise. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou, à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Vaya, camínalo, Manolo, camínalo. buscabas, amigo? ¿No sabes si vino a tu carnal ayer a pagar un gallo blanco? Ah, ¿quién sabe que dos? Ahí te vino la niña.